recette. La teinture la plus célèbre, je passe le célèbre. Le navire n'a pas coulé, mais t'es bête ou quoi? CMH, pas de Caprio. Première top, c'est un verre, je voulais pas de Clio. C'est la vie entre la app, s'il y a pas de Zeyo. J'avais quelques projets sur le côté. À tout moment, frère, je pouvais. Ils ont perdu la tête, ils disent qu'il n'y a plus d'espoir. Ça charbonne matin et soir. Fiston, t'en fais pas, les étoiles brillent dans le noir. Quelques contrats, quelques zéros, je me repose au pays. Quelques mandats, mais que pour les vrais. J'avais des projets qui rapportent, mais le poteau a tout gâché. J'avais prévu de payer sa donne, mais la petite a tout gâché. Je devais remplir mon Bercy, pardon maman, j'ai tout gâché. Le salon sera rempli d'or, t'inquiète pas, c'est pas gâté. Demain ça devient trop loin, s'il y a problème, on rêve tout de suite. Me raconte pas leur story, les autres c'est le dernier de mes soucis. Demain ça devient trop loin, s'il y a problème, on rêve tout de suite. Me raconte pas leur story, les autres c'est le dernier de mes soucis. Les autres c'est le dernier de mes soucis. T'es pas le sang, t'es pas de la famille. J'ai un peu le démon au fond de moi. Loin de toi, la vie c'est pas compliqué, c'est un choix. On a rêvé de la vie d'artiste, on a côtoyé les quartiers chics. Je me suis beaucoup mélangé, c'est ça mon seul regret. Quelques contrats, quelques zéros, je me repose au pays. Quelques mandats, mais que pour les vrais. J'avais des projets qui rapportent, mais le poteau a tout gâché. J'avais prévu de payer sa donne, mais la petite a tout gâché. Je devais remplir mon Bercy, pardon. Le salon sera rempli d'or, t'inquiète pas, c'est pas gâté. Demain ça devient trop loin, s'il y a problème, on règle tout de suite. Me raconte pas leur story, les autres c'est le dernier de mes soucis. Demain ça devient trop loin, s'il y a problème, on règle tout de suite. Me raconte pas leur story, les autres c'est le dernier de mes soucis. Pardonne-moi, j'ai tout gâché. Maman, pardonne-moi, j'ai tout gâché.